Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a publié le 7 un entretien qui dit notamment « Le 8 septembre marque cette année les 71 ans de l'occupation de la moitié de notre patrie par les États-Unis. C'est une période caractérisée par l'histoire de la guerre, de la confrontation et de la tension dans la péninsule coréenne. Les troupes US d'occupation de la Corée du Sud constituent aujourd'hui un facteur cancérigène perturbant la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la région et causant un conflit thermonucléaire. À la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont occupé la Corée du Sud sous prétexte de désarmement du Japon. En poursuivant l'ambition d'hégémonie asiatique et mondiale, ils ont divisé le territoire et la nation coréenne et fait souffrir au peuple coréen la guerre catastrophique. Après le cessez-le-feu, les États-Unis ont introduit pendant plus de 60 ans en Corée du Sud et à ses environs d'énormes effectifs militaires, notamment des armes nucléaires, et livré les manœuvres contre le Nord pour aggraver la situation de la péninsule coréenne et de la région. Les forces américaines d'occupation de la Corée du Sud sont devenues aujourd'hui celles mobiles stratégiques capables d'intervenir dans les conflits régionaux sous le masque de flexibilité stratégique de nature agressive. Ces derniers temps, les États-Unis projettent d'affecter à leurs forces stationnées en Corée du Sud le SAD, dont les rayons d'action opérationnels comprennent les pays voisins. Les faits montrent nettement que la paix et la sécurité durable dans la péninsule coréenne et au nord-est asiatique sont impossibles sans le retrait des troupes américaines de la Corée du Sud. Les États-Unis doivent voir correctement le statut stratégique de notre République entrée dans les premiers rangs des puissances nucléaires et le courant de l'époque pour s'abstenir de leur hostilité anachronique vis-à-vis de la Corée, remplacer l'accord d'armistice en un accord de paix et retirer sans tarder de la Corée du Sud leurs effectifs et armements de guerre.